الحمد لله الذي أمرنا بالبر والصلة ونهانا عن العقوق وجعل حق المسلم على المسلم من آكل الحقوق وجعل للجار حقا على جاره وإن كان من أهل الكفر والفسوق. نحمده سبحانه وتعالى وبه الوثوق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الخالق وكل شيء سواه مخلوق وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله الصادق المصدوق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الناطق بأفضل منطوق صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه المهدين للحقوق وعلى التابعين لهم بإحسان سابق ومسبوق. أما بعد، عباد الله، حق الجار على جاره مؤكد بالآيات والأحاديث، وما زال جبريل عليه السلام يوصي محمد صلى الله عليه وسلم بالجار حتى ظن أنه سيشاركه في المواريث، ولا يسيء الجوار ويؤذي الجار إلا لائم وخبيث، غماز هماز لماز مناع للخير معتد نثيم، بكل فساد في الأرض بعيث سيره في الخير بطيء، وسيره في الشر حثيث. وفيه يقول صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن. قيل: يا رسول الله، لقد خاب وخسر من هو؟ قال: من لا يمن جاره بوائقه. قالوا: وما بوائقه؟ قال: شره. كان العرب في الجاهلية والإسلام يحمون الذمار ويتفاخرون بحسن الجوار، وعلى قدر الجار يكون ثمن الدار، والإسلام يأمر بحسن المجاورة ومع الكفار. وشر الناس من تركه الناس اتقاء شره وتباعد عنهم يعرفه تجنب لضره، ورحبة الجيران من يتتبع الأثرات ويقف الله على العورات في سره وجره، وليس بمأمون على دين ولا نفس ولا أهل ولا مال، ولا يميز من يدانيه بين وفه ومكره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأكل خير أو يصمت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن من آمنه الناس والمسلم من سالم المسلمين من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر السوق، والذي نفسي بيده لا يدخل جنتي من لا يأمن جاره بوائقه. عار عليك أيها المسلم الكريم أن تبيت تخيما شبعان وجارك طاوي جوعان، وعار عليك أن تلبس الجديد وتبخل بما أبليت من ثيابك على رأس الجيران، وعار عليك أن تتمتأ بالطيبات من مشموم ومطعوم وجيرانك يشتهون العظام وكسر الطعام، وأنت تعلم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لحق النجارة لجارتها ولو فرصان شاء. وأنه قال لأبي ذر رضي الله عنه: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأثير ماءها وتعجرانها. كيف يليق بك أيها المسلم الكريم أن تقيم في بيتك الفراغ وفي بيتك التي بإزارك الموت والطراح؟ هل تجردت من عواطف والشعور؟ وهل نسيت أوامر الدين وعادة آبائك الكرامين؟ أيها المغرور، إن من حق جارك عليه أن تسلم عليه إذا لقيته، وأن تعوده إذا مرض، وتشيعه إذا مات، وتكون لأولاده بعد وفاته كما كان لهم في حياته، وأن تقف إلى جانبه في السراء والضراء والشدة والرخاء. وفي المثل السائل: من فاته نفع إخوانه فلا يفوتنه نفع جيرانه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله تعالى خير من صاحبه، وخير الجيران عند الله تعالى خير من جاره. حرام عليك أيها المسلم الكريم أن تنظر في بيت جارك وهو غافل، أو تخونه في أهله. ومن نظر في بيت جاره بغير إذنه ملأ الله عينه من نار جهنم. وحرام عليك أن تسمع ما يقول في بيته فتكون جاسوسا لا يمنك على قوله وفعله. وإذا عجزت عن بر جارك والإحسان إليه والإعتراف بفضله فكف أذاك عنه ولا تضره، ودعه يستريح في منزله. وإذا دعاك فأجبه، وإذا استشارك فأشر عليه، وإذا كان مظلوما فانصره، أو ظالما فأقبض على يديه، وإن أحسن فاشكره، وإن أساء فاعف عنه، وإن يرتاك بالفساد فلا تقره عليه. فرب جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا إن هذا قد أغلق بابه دوني ومنعني معروفا ورآني على الشر فلمنهني عنه. وقال رجل: يا رسول الله، إن فلانة تذكر من كثرة صلاتها وصدقاتها وصيامها غير أنه تؤذي جيرانها. قال: هي في النار. قال: يا رسول الله، فإن فلانة تذكر من قلة صلاتها وصيامها وأنها تتصدق بالإثوار من إقط ولا تؤذي جيرانها. قال: هي في الجنة. أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهاني. وأربع من الشقاوة: الجار السوء، والمرأة السوء، والمركب السوء، والمسكن الضيق. والله تعالى يجيب: يحب جار صبر على أذية جاره حتى يكفيه الله إياه بتحول أو موته. ومن أول ما يقع في فصل القضاء يوم القيامة خصومة الجيران، ومن حماقة والخراق وضعف الرأي ترافع الناس إلى الحكام فيما يقع عادة بين الجيران من خصومات النساء ومشاجرة الصبيان. ومما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن إطالة البنيان إذا كان في ذلك شيء من الأذى كسك الهوى والإشراف على من يدانيه في المكان. ولقد كان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام، فإن جار البادية يتحول. وقال عليه الصلاة والسلام: اتق المحارم تكن أباد الناس، وأرضي بما قسم الله لك تكون أهل الناس، وأحسن إلى جاري تكون مؤمن، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلمة، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. بعض الناس لا يبالي بغيره إذا تمت له راحته، ولا يهمه أن يكون عباد الله كلهم ساخطين عليه، وأن تدن سساحته ما دام ينال قصده ويصل إلى مراده ويتمتع بشهواته وتحسن له حالته ولو كان في ذلك هلاك غيره وترك دينه وخروجه عن الشرف والمروءة. ولذلك تراه بغيضا في إخوانه، ممقوتا في جيرانه، وخفيفا في ميزانه، وسخيفا عندما يعرفه من أهل زمانه. ومما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وأن الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب، فمن أعطاه الدين فقد أحبه. والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمن حتى يامن جاره بوائقه. جعلني الله وإياكم من خيارة خلقه، وبارك لي ولكم في الطيبات من رزقه، وأجرني وإياكم من أذية الجار والتهاون بحقه. آمين. والحمد لله رب العالمين. أقول كل هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم كل أمين. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. Le thème de la khutba d'aujourd'hui traite du bon voisinage et le droit du voisin sur chacun de nous. Autrement dit, nos devoirs à nous à l'égard de nos voisins. Louange à Allah qui nous a ordonné la bienveillance, la bonté, les liens avec les autres, et il nous a déconseillé la désobéissance des parents. Il a fait du droit du musulman sur le musulman un droit confirmé. Il a donné au voisin un droit sur son voisin, même s'il n'est pas musulman et même s'il est un débauché. Nous louons le Très-Haut, nous croyons en lui et nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que lui, unique et sans associé. Il est le créateur de toutes choses. Il est le créateur et toutes choses en dehors de lui est créée. Et nous témoignons que notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Oh Allah, nous implorons tes prières et salutations pour notre maître Mohammed, pour les siens, pour ses compagnons et pour tous ceux qui l'ont suivi. Communauté des croyants, le droit du voisin sur son voisin est confirmé par les versets du Saint-Coran et par les hadiths. L'ange Gabriel a tellement recommandé le voisin au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a cru que Gabriel allait faire du voisin un héritier. Il n'y a qu'un être malfaisant, mauvais, intrigant, injuste, agresseur et empêcheur de bien pour faire du mal à son voisin. Le mauvais voisin se prête à toutes les corruptions sur terre. Pour faire le bien, il est long, et pour faire le mal, il est rapide. De lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: par Allah, il ne croira. Par Allah, il ne croira. Par Allah, il ne croira. Et lui a été dit: c'est un perdant messager d'Allah. Mais qui est-il? Il a dit: celui dont le voisin n'est pas à l'abri de son mal. Du temps de l'islam, comme du temps de la barbarie, les Arabes protégeaient l'enclos qui protégeait leur campement. Ils vivaient en voisins au sein d'un campement. Et ils étaient fiers du bon voisinage. La valeur de la maison dépendait de la qualité du voisin. Et l'islam ordonne le bon voisinage même avec les non-musulmans. On parle du voisin, le pire des gens, et celui duquel les gens s'éloignent pour éviter sa malfaisance, celui que même ses propres connaissances évitent pour se protéger de son mal. Le plus mauvais des voisins est celui qui guette les faux pas des autres, leurs erreurs et leurs problèmes. Il observe les secrets des autres, leur intimité, secrètement et publiquement. Personne ne lui fait confiance, ni pour la religion, ni pour l'âme, ni pour la famille, et encore moins pour l'argent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui croit en Dieu et au jour du jugement dernier, qu'il soit hospitalier avec son voisin. Celui qui croit en Dieu et au jour du jugement dernier, qu'il soit hospitalier avec son invité. Et celui qui croit en Dieu et au jour du jugement dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Et il a sallallahu alayhi wa sallam encore dit, le croyant est celui pour lequel les gens sont confiants. Et le musulman est celui dont les gens échappent à la langue et à la main. Et le muhajir, le migrant, est celui qui abandonne le mal. Et par celui qui détient mon âme dans sa main, n'entrera au paradis celui dont le voisin n'est pas à l'abri de son mal. Toi, le musulman, sache que tu es fautif. Si tu dors le ventre plein et ton voisin le ventre vide, tu es fautif. Si tu t'habilles avec des vêtements neufs et que tu ne donnes pas tes vieux vêtements à ceux de tes voisins qui en ont besoin, tu es fautif. Si tu profites des bonnes choses et des délices, alors que tes voisins désirent des eaux et des restes, surtout que tu sais ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une voisine ne se moque pas de sa voisine, même si elle lui donne ne serait-ce qu'un sabot de bouton. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam incite à donner même peu aux voisins. Et là, sallallahu alayhi wa sallam, encore dit, à Abi Dar, ô Abadar, si tu cuisines une sauce, mets-y beaucoup d'eau et appelle tes voisins. Toi, le musulman, comment peux-tu faire la fête chez toi alors que tes voisins sont endeuillés par la mort ou autre drame? N'as-tu plus de sentiments? As-tu oublié les commandements de la religion et les traditions de tes nobles ancêtres? Parmi les droits de ton voisin sur toi, et que tu dois le saluer si tu le rencontres, que tu lui rendes visite s'il est malade, que tu accompagnes sa dépouille s'il meurt, que tu sois pour ses enfants comme il a été pour eux de son vivant. Tu dois être aux côtés de ton voisin dans la joie et dans la douleur, quand tout va bien, mais aussi quand tout va mal. Un proverbe dit, celui qui a manqué de faire le bien à ses frères, qu'il ne manque pas de le faire à ses voisins. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le meilleur des amis pour Allah est le meilleur d'entre eux avec son ami, et le meilleur des voisins pour Allah est le meilleur d'entre eux avec son voisin. Musulman, sache qu'il t'est interdit de regarder à l'intérieur de la maison de ton voisin à son insu, ou que tu le trahisses dans sa famille. Celui qui regarde à l'intérieur de la maison de son voisin sans son autorisation, Allah remplira ses yeux avec le feu de l'enfer. Il t'est interdit d'écouter ce que ton voisin dit dans sa maison, car tu deviens un espion auquel il ne se fiera pas pour ce qu'il dit et ce qu'il fait. Si tu es incapable d'être bienfaisant, si tu es incapable d'être bienfaisant avec ton voisin et d'être bon avec lui, d'être reconnaissant avec lui, alors ne lui fais pas de mal et laisse-le en paix chez lui. Si ton voisin t'invite, réponds à son invitation. S'il te demande conseil, conseille-le. S'il est victime d'injustice, soutiens-le. S'il est injuste, fais-lui entendre raison. S'il fait du bien, remercie-le. S'il fait du mal, pardonne-lui. S'il commet une corruption, ne l'établis pas sur lui. Il se peut qu'un voisin s'accroche à son voisin devant Dieu le jour de la résurrection en disant « Oh mon Dieu, celui-là m'a fermé sa porte, il m'a privé de son bien, il m'a vu faire le mal et il ne m'a pas conseillé. » Il est arrivé qu'un homme dise au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Oh messager d'Allah, on parle beaucoup d'une femme, d'une telle, parce qu'elle prie beaucoup. » Elle donne beaucoup de monde, elle jeûne beaucoup, mais elle fait du mal à ses voisins. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, elle est en enfer. Et l'homme a dit, oh, ne s'agit pas là. On parle beaucoup d'une telle autre, parce qu'elle ne prie pas beaucoup, elle ne jeûne pas beaucoup, elle ne donne pas beaucoup de monde, mais elle ne fait pas de mal à ses voisins. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, elle est au paradis. Chers frères et sœurs, quatre choses dans la vie sont un bonheur. Une femme vertueuse, une vaste habitation, un bon voisin et une embarcation sécurisée. Et quatre sont un malheur. Un mauvais voisin, une mauvaise femme, une mauvaise embarcation et une petite habitation. Allah le Très-Haut aime un voisin qui a supporté les méfaits de son voisin jusqu'à ce qu'Allah le débarrasse de lui, soit par un déménagement, soit par la mort. Parmi ceux qui sera jugé en premier le jour du jugement dernier, il y a les querelles entre voisins. Et c'est une folie, un non-sens, une courte vue que d'avoir recours à la justice, d'aller devant les tribunaux pour tout ce qui se passe entre voisins, que ce soit des querelles de femmes ou d'enfants. Car entre voisins, tout doit s'arranger par le respect mutuel et l'observance du droit de l'autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déconseillé les constructions très hautes si elles nuisent aux voisins en empêchant l'air de circuler chez eux ou en permettant de regarder chez les autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, oh Allah, je m'en remets à toi du voisin qui vit avec moi en permanence. Ça peut être la femme, les enfants, la famille. Le voisin de passage, lui, il déménagera. Et il a sallallahu alayhi wa sallam encore dit, crains les interdits, tu seras le plus pieux des hommes. Et accepte ce que Allah t'a donné, tu seras le plus riche des hommes. Sois bienfaisant avec ton voisin, tu seras croyant. Aime pour les gens ce que tu aimes, pour toi-même, tu seras musulman. N'abuse pas du rire, car l'abus du rire tue le cœur. Certains, dès qu'ils ont leur confort, peu leur importe ce qui arrive aux autres. Il leur importe peu que les gens les maudissent, du moment qu'ils ont ce qu'ils veulent, et qu'ils assouvissent leurs désirs, même si cela constitue un péril pour les autres, l'abandon de leur religion et de leur honneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a partagé votre éducation entre vous comme il a partagé votre subsistance entre vous. Allah donne la vie à celui qu'il aime et à celui qu'il n'aime pas. Et il ne donne la religion qu'à celui qu'il aime. Celui à qui il a donné la religion, il l'a aimé. Et par celui qui détient mon âme entre ses mains, personne ne deviendra musulman jusqu'à ce que son cœur et sa langue le deviennent. Et il n'aura la foi jusqu'à ce que son voisin échappe à son mal. Nous implorons Allah qu'il nous compte parmi les meilleurs de sa création, qu'il nous bénisse la subsistance dont il nous a pourvus et qu'il nous évite de faire du mal aux voisins ou de négliger ses droits sur nous. Wa salatu wa salamu ala rasulillah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله الذي ملك فقها وعفا وغفا ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله سيد البشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نكهة حكم الله. عباد الله، اتقوا الله فيما به أمر وانتهوا عما عنهونها وزجر، واعلموا أن الدنيا دار ممر وأن الآخرة دار مقر، فخذوا من ممركم مقركم وتهيئوا لأرضكم وحسابكم على ربكم. فاعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأمر بدأ به بنفسه، وثنى بملائكته القدس، وثلث بالمؤمنين من جنه وإنسه. قال تعالى: ولم يزل قائل علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوة رب العالمين. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم موتانا وارحم من علمنا وارحم من سبقنا بالإيمان وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوة رب العالمين. اللهم اصح شباب المسلمين، اللهم اصح شباب المسلمين، اللهم اصح شباب المسلمين، اللهم اجعل خير خلق خير سلف بفضلك يا ارحم الراحمين. اللهم اصح ولاة امور المسلمين في مشارق الارض ومغاربها، اللهم اجعل ولايتهم في مخافك والتقى وتبع رضاك. وصلى الله على بشير النبي واله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين الى العالمين.